بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأنا بيبخاندر أخذنا في الدرس السابق الكلام على النواسخ معنى ذلك سسون الشوز كي فانتخي على المبتدا والخبر وينسخون أحكام المبتدا والخبر وذكر المؤلف رحمه الله تعالى دس النواسخ ذكر منها ثلاثة كان وأخواتها إن وأخواتها وظننت وأخواتها On a pu voir que deux parmi ces nawasikh, ce sont des afhal, comme kana wa akhawatuha, wa kazalika, wanna wa akhawatuha. Wa amma inna, ça fait partie des ahruf. Tous, ce sont des ahruf. On a pu évoquer que ces afhal-là, allati tadkhul ala al-mubtada'i wal khabar, on les appelle nawasikh, kazalika on les appelle afhal naqisa, par rapport à kana et wa dhanna. Ce sont des afhal qui sont naqisa. Pourquoi naqisa? Parce que généralement, al-fi'l hatta yatim al-ma'na, il a besoin de quoi? D'un fa'il bas. Zahaba Muhammadun, il est parti. La jumla est quoi? Mufida. La nahtaj ila maf'ulan bih. Ma nahtaj ila maf'ul illa maf'ulin bih. C'est pour ça qu'on appelle ça afhala tamma. Wa mata dakhala al-fi'l ala al-mubtada wa al-khabar. Al-asl, il rentre pas dans le mubtada wa al-khabar. Lakin idha dakhala al-fi'l ala al-mubtada wa al-khabar. On va l'appeler fi'l naqis. Pourquoi? Parce que awalan il est entré dans un mubtada wal khabar et c'est pas l'asma. Il rentre pas dans l'asma, lakin donc l'action il rentre pas dans le mubtada wal khabar, lakin il rentre dans le fa'il. Et kazalika li'anna il a besoin de ce khabar là qui va être comme un maf'ul bi, yani fi as-sura, c'est comme si jamais c'était un maf'ul bihi dans l'aspect. Donc il a besoin de ce maf'ul bihi. C'est pour ça qu'ils ont dit naqisa, parce qu'il a besoin du khabar du mubtada hatta tatim al-ma'na, afin que le sens hatta yatim al-ma'na, afin que le sens il soit complet. Donc dhanna et kana tam wa akhawatuhuma, ils font partie des afhal qui sont quoi? Naqisa kama sami'ta. Il a évoqué par rapport à kana wa akhawatuha les ahkam qui sont relatifs à kana wa akhawatuha. Wa qala rahimahullah ta'ala que kana tarfa'u al-ism. C'est pour ça qu'on a dit nasikh, parce que ce qui vient après on n'appelle plus mubtada wa khabar. Lakin on appelle quoi? Ismu kana ou ismu amsa ou asbaha ila akhirih. Et na'am yansibu al khabar. Donc on dira du premier qui était mubtada fil asl, mathalan abdullah qa'imun. On veut rentrer kana, on dira kana abdullah qa'ima. Donc là abdullah qui était mubtada avant que kana rentre, après le dukhul de kana, il est devenu quoi? Ismu kana. Donc ça fait partie des ahkam qui ont été changés dans le mubtada lorsque kana il est rentré. Et kazalika au niveau de l'arabe, al mubtada ma'ruf, comme on a pu le voir, c'est qu'il est marfou' min ahkamihi annahu da'iman marfou'. Faha huna kazalika son i'rab il va changer. La personne peut se dire lakin ismu kana wa akhawatuha, celui qui était mubtada qui est devenu ism de kana et de akhawatiha, n'est-ce pas qu'il est déjà marfou'? Non, on lui dit il est déjà marfou'. Et le fait que kana, il vient, il rentre, il rentre dans le mubtada, il va lui donner un nouveau raf. Il va lui donner un nouveau raf. Et le dalil de cela, c'est qu'on n'appelle plus mubtada, lakin on appelle quoi? Ismu kana wa ismu akhawatiha. Et le khabar, il est quoi? Il est mansoub. Il est mansoub. Kana abdullahi qa'ima, il est mansoub. Tambi kana. Donc ça, c'est min ahkam kana wa akhawatuha annaha tarfa' al mubtada wa yakun isman lahu. وتنصب الخبر ويكون خبرا له تمام ça devient خبر de كان et l'autre devient اسم de كان et de ses اخواتها ثم الى يوكا رحمه الله تعالى بعض اخواتها تمام الى يوكا منها امسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها donc il a évoqué une série, une liste de اخوات كان et on a pu voir que ces اخوات de كان min haythu at-tasarif, au niveau de la conjugaison ala aqsam, au niveau de la conjugaison ala aqsam, on a pu voir qu'il y en a, il y a des aqsam qui se conjuguent dans tous les temps verbaux, que ce soit dans le madi, dans al-hal ou bien dans quoi, dans l'amr, comme il a évoqué avec kana, il avait évoqué kazalika, il y en a tout ce qui est de Kana jusqu'à Laysa, exclu. Donc Kana, Amsa, Asbaha, Abha, Walla, Bata, Sara, tout cela, Tatasarruf, Tam, Tasarrufan, Tam. Il se conjugue dans tous les temps verbaux. Comme il a évoqué Hahuna, Tam, Kana, Yakun, Kun. Et tu as des af'al parmi eux qui se conjuguent seulement dans quoi? Dans Al-Madi et Kadalika. Dans Al-Mudarih, c'est-à-dire qu'il sera l'aspect du Mudarih, soit Al-Mustaqbal ou soit Al-Hal. Et il a évoqué pour cela les quatre qui suivent Laysa. Ma Fatiha, Ma Bariha, ou plutôt Ma Zala, Ma Nfakka, Ma Fatiha, ou Ma Bariha. Ces quatre-là, ils se conjuguent au Ma'adi, comme ils se conjuguent Kazalika, sous l'aspect du Mudarih. Zala, Yazul, Ma Nfakka, Yanfak, Fatiha, Tafta, ou Tathkuru Yusuf, Hatta Takuna Harada, comme dans l'ayah. Donc là, tam se conjugue sous l'aspect du mudari'. Et t'en as qui se conjuguent que dans le mardi, tam, que dans le mardi, qui sont leisa et madama. Tam, leisa se conjugue que dans le mardi. Tu peux pas trouver leisa dans le mudari', ou kadhalika tu peux pas trouver leisa dans l'amr. Donc ça on appelle quoi? Fi'l jamid de celui qui était avant, qui se conjugue que dans le mardi et dans l'aspect du mudari', celui-là on appelle fi'l naqis. Et madama, dama, il se conjugue lakin pour qu'il soit. Min akhawat kana, il se conjugue que dans le mardi. Ensuite, on a pu évoquer qu'au niveau des shurut, c'est pas tout akhawat kana qui va rendre marfou' ismaha, et kazalika tansibu khabaraha. Il y a des conditions. Il y en a qui œuvrent sans condition, et il y en a qui œuvrent avec des conditions. On a pu voir que tout ce qui était de kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, wasara, ils œuvrent sans condition. Tansibu plutôt tarfa'u l'ism ou tansibu l'khabar, bila shart. Aucune condition par rapport à cela. Amma, ce qui vient après, ils ont des conditions. Kadalika, Laysa, naam. On a pu voir que les quatre qui suivent Laysa, c'est-à-dire ma zala, wa man fakka, wa man fatiha, wa man bariha, ces quatre-là, ils vont être min akhawat kana, à l'exception que si jamais on trouve devant eux un nafi ou bien un nahi. Si jamais ce n'est pas le cas, ils feront pas partie de akhawat kana. Et madame, on a pu évoquer, inchallah, on va vous faire participer. Quelle est la condition afin que madame, il fasse partie des akhawat kana? Il faut qu'il soit précédé de ma al-masdariya. Il manque un petit point. Qui se rappelle? Si vous vous rappelez, ou sinon, inchallah, je l'évoque. Donc là, on nous a fait part que pour que madame ya'mal 'amal kana, il faut qu'il soit précédé de ma al-masdariya. Là, la réponse elle a été rapportée à la moitié. Il manque juste une autre moitié. Qui se rappelle de l'autre moitié? Si jamais c'est le cas, levez la main. Si jamais c'est pas le cas, je donne la réponse, inshallah. Donc, il y a la condition, kadhalika, pour que madama, il fasse partie de akhawat kana, comme c'est évoqué ici, il faut qu'il soit précédé de ma al-masdariya, lakin al-zarfiya. Al-masdariya, al-zarfiya. Al-zarfiya, kadhalika. C'est-à-dire qu'elle apporte le sens, le complément circonstanciel de sens, qui apporte la notion du temps. Et al-masdariya, comme on a pu le voir, c'est la ma qui va, ce qui va suivre ma, on va l'interpréter comme quoi? Comme al-masdar. Dama, il a un masdar, parce que c'est un fi'al. Et c'est un fi'al, yani, qui n'est pas jamid, comme Laysa. Laysa, il n'a pas de masdar. Ama dama, il a un masdar, qui est quoi? Dawam. Dama, il a un masdar qui est dawam. Donc lorsque ma, il va rentrer dans dama, il va être interprété avec une armée sera interprété comme un masdar. Donc madama, ça sera quoi? Dawam. Madama, dawam. Et on a dit zarfiya, donc on va ramener, avant cela, avant ce masdar là, on va ramener la notion du temps. Et on va généralement ils évoquent quoi? Mudda. Kama fil aya mathalan, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Fa huna ma dumtu hayya, c'est comme si jamais c'était dit en dehors du Coran, si jamais on épluche, on dira wa awsani bis salati wa zakati muddata dawami hayati, tant que je suis vivant. Muddata, temps, la notion du temps, dawami, tant que je suis, tant que je ne cesserai d'être vivant. Donc là on voit bien que il y a la notion du temps qui est venue, qui est mudda, et kadhalika le masdar, il est venu derrière. C'est pour ça qu'on l'appelait ma al-zarfiyya al-masdariyya, c'est celle qui va être interprétée avec ce qui va suivre derrière Kedama, comme un masdar, et on va lui mettre avant cela quoi? La notion du temps, mudda, zaman, lakin, généralement ils avaient quoi? Mudda. Donc, si tu fais les arabes, tu diras ma zarfiya

J'ai pris la terre comme, comme lit, yani pour me reposer. C'est-à-dire, yani hawaltu, je l'ai pas hawal, lakin j'ai fait comme si jamais c'était quoi, un firash. C'est comme si jamais c'était un lit. Donc c'est pas bi ma'na vanna, c'est pas j'ai pensé que la terre était un lit, là c'est bi ma'na ittakhadtu ay hawaltu, c'est comme si jamais j'avais transformé cette terre là pour en faire un lit pour me reposer. Donc ittakhadtu kadhalika sabat bi ma'na tahwil, comme ja'ala. Et une dernière chose, c'était par rapport à sami'a. Sami'a, il y a un khilaf entre les ulama par rapport au fait est-ce qu'il fait partie de akhawat vanna amla, parce qu'ils ont dit sami'a, le verbe sami'a il rend mansoub ka maf'ul bihi. Maintenant, tu dis, sami'tu sawtan, j'ai entendu une voix. Il n'y a pas de maf'ul bih. Lakin, ils ont dit, afin que ce sami'a, j'ai oublié d'évoquer ça, même, je crois que je n'ai même pas évoqué sami'at. Ce sami'a-là, afin qu'il soit min akhawat ka vanna, il faut que la chose qui suit, sami'tu, ou bien tout ce qui se conjugue avec sami'a, il faut que ce soit une chose qui ne s'entend pas. La chose qui suit derrière. Maintenant, tu dis, sami'tu waladan yasih. Sami'tu waladan yasih. Al-walad aslan, c'est pas une chose qu'on entend. On qualifie pas par une chose, le walad c'est une chose qu'on entend. Al-walad masmour, on dit pas ça. On ne qualifie pas par ce critère-là qu'on entend ou pas. Lakin, si tu dis sami'tu sawtan, n'am as-sawt, c'est une chose qu'on entend. Lakin sami'tu waladan yasih, c'est pas une chose qu'on entend. Donc la chose, si jamais elle suit sami'a, c'est une chose qu'on n'entend pas, et ben il va être min akhawat vanna, c'est-à-dire qu'il va rendre mansoub de le mubtada al-khabar. Al-waladu yasih. سمعتُ الولد يصيح. Et يصيح هنا, cette jumla fi'liya, lorsque tu feras l'arabe, tu vas dire في محل, lorsque tu auras dit يعني يصيح فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وفاعله مستتير تقديره هو. Et ensuite tu diras يعني يصيح في محل, هذه الجملة في محل نصب خبر Sami'a, tamam. Donc, Sami'a, pour que ce soit, il fasse partie de Akhawat Kana, Vanna plutôt, il faut que ce qui suit Sami'a, tamam, ce soit une chose qu'on n'entend pas. Tamam. Si jamais c'est une chose qu'on entend, Sami'tu sawtan, Sami'tu sayhatan, tamam, il a khirihi, j'ai entendu un cri, j'ai entendu une voix, et bien dans ce cas-là, il n'aura pas le rôle de rentrer, ou plutôt il ne fera pas partie de Vanna ou Akhawat Kana. Inch'Allah, on poursuit. قال رحمه الله تعالى باب النعت. Donc là on rentre dans un nouveau bab qui est bab al-na't, et c'est un bab qui est vraiment important. Wa an-na't lughatan, قبل avant qu'on rentre dans la définition qui va rapporter al-mu'allif rahimahullah ta'ala, an-na't lughatan huwa al-wasf. Tam an-na't lughatan huwa al-wasf. Hatta yani fi hadith al-mi'raj lamma yani na'ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-masjid al-aqsa, lorsqu'il a décrit al-masjid al-aqsa, ماذا قالت قريش؟ قال اما النعت فقد اصبت. Quant à la description, naam, c'est yani, elle est vraie. Tam, tu as certes dit vrai. Quant à la description du masjid, al-Aqsa, tam, amma que tu es parti, fi al-mi'raj ila akhirih, fakadhabu zalika, tam, fakadhabu zalika, lakin ma kadhabu, le fait qu'il a décrit, tam, et qualifié le masjid al-Aqsa comme si jamais il y était, tam. Donc ils ont dit, amma an-na'tu faqad sadaqta. Yani an-na'tu bi ma'na ish al-wasf, tam, lughatan. Dans langue arabe, lorsque tu dis an-na'tu ma ma'nahu ay al-wasf, tam. Le critère, comment ça s'appelle, le qualificatif. Et en français, lorsqu'on va voir, c'est comme si jamais c'était le quoi, le adjectif qualificatif. قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. Il nous dit, رحمه الله تعالى, النعت, donc ce wasf-là, il nous dit, تابع للمنعوت. C'est celui qui suit المنعوت, c'est-à-dire celui qui est qualifié. النعت, si on peut dire l'adjectif qualificatif, والمنعوت, c'est celui qui est qualifié. Fi raf'ihi, c'est-à-dire il le suit, fi raf'ihi, fi nasbihi wa khafdihi, c'est-à-dire dans l'arab. Et là, quand il a dit fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, là, on sait qu'il est en train de parler de quoi? D'un ism. Parce que le khafd, il ne rentre pas dans quoi? Dans les af'al, comme on a pu le voir au début. Qala wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Naam, kadhalika, il le suit dans le fait qu'il soit défini ou bien qu'il soit indéfini, c'est-à-dire la chose qui est devant, derrière lui plutôt. Et kadhalika, il n'a pas évoqué fi ta'nithihi wa tazkirihi wa al-jam'. Kadhalika, il le suit. C'est-à-dire en genre et en nombre. En genre et en nombre, et kazalika dans l'arab. Là, ce qu'il a évoqué, rahimahullah ta'ala, c'est pas la définition du na't. Lakin hadha huwa hukmu an-na't. C'est le jugement du na't. Hadha huwa hukmu an-na't. Amma an-na't fi 'inda an-nuha, chez les grammairiens, yanqasimu ila qismayn. Il se divise en deux. Idha su'ilta 'an hadd an-na't, si on te demande quelle est la définition du na't, faqul an-na't yanqasimu ila qismayn. Il y a des choses que tu ne peux pas donner directement une définition. Pourquoi? Parce qu'il englobe plusieurs choses. Donc dans ce cas-là, tu dis yam qasimu la qismay, comme ils ont fait avec le hadith al-Hassan. Fabardouhum, ils ont évoqué des définitions pour le hadith al-Hassan. La vérité, c'est difficile. Parce que le Hassan, il y a quoi? Li ghayrihi wa li dhatihi. Faqalu al-Hassanu yam qasimu la qismay. Il se divise en deux. Ensuite, tu ramènes la définition qui est propre à chacun de ces deux qismes-là. Donc, kadhalika hawana dans na'at. On dit an-na'atu fi istilah an-nuha yam qasimu ila qismay. Il se divise en deux parties. Na'atun haqiqi wa na'atun sababi. Fa'an-na'atu al-haqiqi ma huwa? هو الوصف الذي نعم الوصف الذي يبين وصفا من أوصاف المتبوع. ما هو النعت الحقيقي؟ هو الذي يبين وصفا من أوصاف المتبوع. C'est celui qui va venir y apporter un qualificatif sur la chose qui l'a précédé, c'est-à-dire le qualifier. Ça c'est quoi النعت الحقيقي؟ C'est celui الوصف الذي يبين وصفا C'est celui qui va venir décrire un des critères parmi les critères qui est qualifié, la chose qui l'a précédé. Mathalan, si je dis Ja'a Muhammadun al-Fadilu. Al-Fadilu, c'est un na'at. De quoi? De Muhammadun. Pourquoi? Parce qu'il est venu décrire Muhammadun comme étant une personne qui a quoi? Qui a du mérite. Donc il a quoi? Bayyana wasfan min awsafihi. Il est venu pour éclaircir un point parmi les qualificatifs dont il est qualifié Muhammad, qui est quoi? Al-Fadl, c'est-à-dire le mérite. Ja'a Muhammadun al-Fadl. Si on demande l'arabe de al-Fadl, ce sera quoi? Ce sera un na'at. On va voir haqiqi. Et il vient pour décrire ce qu'il y a avant lui. Et le na'at, al-na'at al-sababi, ta'arifuhu, c'est quoi? C'est al-wasfu al-nadhi yubayyinu ma yata'allaq bil-matbu'. C'est-à-dire qu'il ne vient pas décrire un critère, un qualificatif de celui qui est avant lui. Lakin, il va décrire une chose qui est en relation avec celui qui est avant lui. Mathalan, si jamais on dit Ja'a al-fadilu, Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Muhammad est venu. Yani, qui est le Muhammad? C'est celui dont son père, il est quoi? C'est un homme de mérite. Ja'a Muhammadun al-Fadilu abuhu. Si jamais on venait prendre l'arabe de al-Fadilu, on dira que c'est un na'at. Lakin, ce n'est pas un na'at haqiqi. Ce n'est pas un véritable na'at. On peut traduire comme cela, haqiqi. Ce n'est pas un véritable na'at. Pourquoi? Parce que le na'at, c'est quoi? C'est le tabi'a. C'est celui qui suit. Celui qui est avant lui. Amma ha'huna, et qui vient lui apporter une description. Amma ha'huna, al-Fadilu, il revient pas sur Muhammad. Ce critère-là, al-fardilu, le mérite, il ne revient pas sur la description de qui? De Muhammad. Lakin, de son père. Ja'a Muhammadun al-fardilu abuhu. C'est qui le fardil? C'est son père. Lakin, pourquoi on l'appelait na'at? Parce qu'il vient décrire un qualificatif qui n'est pas véritablement à Muhammad, celui qui est avant lui, al-matbu', ou bien tu peux dire al-man'ut. Lakin, une chose qui est en relation avec qui? Avec Muhammad, qui est quoi? Son père. Quelle est la relation entre Muhammad et abuhu? C'est que Muhammad, c'est le fils du ab qui est fardil. En vérité, Al-Fadil revient quoi? Comme critère, comme qualificatif à ce qui vient après. C'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé vraiment na'at. Haqiqi. Pourquoi? Parce que le na'at, normalement, il vient qualifier une chose qui est avant lui. Amma là, on a dans l'exemple, Ja'a Muhammadun al-Fadil abuhu. Al-Fadil, c'est un na'at de ce qui va venir après. Et ça, c'est pas possible. C'est pas comme dans la langue française. Dans la langue française, c'est quoi? L'adjectif qualificatif, il est avant celui qui est qualifié. J'ai une belle maison. C'est quoi l'adjectif qualificatif? Et la maison, c'est la chose qui est qualifiée. Dans le français, c'est comme ça, mais dans l'arabe, là. Il faut qu'il vienne décrire al-haqiqi, celui qui est vraiment véritablement na'at, il décrit une chose qui est avant lui. Et si jamais il vient pour décrire une chose qui est après lui, tout en ayant une relation avec la chose qui est avant lui, comme c'est le cas, Ja'a Muhammadun abuhu, c'est quoi la relation entre Abu et Muhammad? C'est que c'est son fils. Lakin al-Fadil, est-ce qu'il vient décrire Muhammad là? Il vient décrire qui? C'est celui qui est après Muhammad, c'est-à-dire son père. Ça, on l'appelle quoi? Na'atun sababi. C'est-à-dire qu'il est venu pour qualifier une chose qui vient après lui, bisabab ma qablahu. C'est la chose qui est venue avant lui, qui a été un sabab quand on est venu qualifier celui qui est après lui. Il faut savoir que an-na'at, c'est une chose qui est quoi? J'ai oublié d'évoquer ça avant. An-na'at, c'est une chose qu'on appelle une fadla. Dans la langue arabe, on appelle ça une fadla, c'est-à-dire un surplus. C'est-à-dire c'est une chose que tu peux te passer. Contrairement à quoi? Au mubtada ou au khabar.

comme مثلا جاء محمد الفاضل أبوه فأبوه هنا il est considéré comme étant le marfou de quoi de فاضل. On a pu voir que فاضل c'est un اسم فاعل et l'اسم فاعل ils ont la même œuvre que quoi le فعل. فهنا il a rendu marfou ce qui vient juste après lui qui est أبوه et c'est quoi est-ce que c'est un damer مستتر là c'est un اسم qui est quoi ظاهر qui est apparent. Et ce اسم qui est apparent il contient un damer qui est muttasif abuhu leha qui revient à qui au man'ut c'est comme si on avait dit ja'a muhammadun al-fadilu abu muhammadin leha il revient à qui à muhammad il revient à muhammad fa le na'at al-sababi huwa alladhi yarfa'u isman zahiran muttasilan bidamirin ya'ud ila al-man'ut le ismu le na'at al-haq al-sababi c'est celui qui va rendre marfou un isman zahir dans lequel est accroché un damir qui va revenir sur quoi qui va revenir sur manhut amma an-na'tu al-haqiqi huwa alladhi yarfa'u damiran mustatiran ya'ud ila al-manhut ja'a muhammadun al-fadilu ay huwa et huwa il revient qui à muhammad comment tu fais la différence entre les deux tu l'as fait là, par rapport à cela il y en a un qui va rendre marfou' un ism zahir et l'autre qui va rendre marfou' un ism qui est quoi qui est mustatir un damir qui est quoi qui est mustatir. Ça, c'était par rapport à quoi ? À la définition et par rapport au dhabit qui nous permet de quoi faire le tamyiz entre le na'at al-haqiqi ou le na'at al-sababi. Alors, on va passer, inshallah, au ahkam, comme il a évoqué, hauna, rahimahullah. Faqala, al-na'atu tabi'un lil-man'ud fil raf'ihi wa nasbihi wa khaddihi. Fait le na'at al-haqiqi comme sababi au niveau du hukm, ils vont être marfou' comme le man'out. Si jamais le man'out, celui qui est avant lui, il est marfou, il sera marfou. Si jamais le man'out, il est mansoub, il sera mansoub. Si jamais le man'out, il est marfoud, il sera quoi? Marfoud. Si jamais le man'out, il est quoi? Défini, il sera défini. Si jamais le man'out, il est nakira, indéfini, il sera kazalika, indéfini. Ja'a rajulun, fa'adilun. Fa'adilun, hunaish, c'est un na'at d'une chose qui est quoi? Indéfini, qui est kazalika, qui est marfoud. Ja'a rajulun, marfoud. Et il est quoi? Il est nakira. Fadilun, kathalika, il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il soit nakira. Ja'a rajulun fadilun, il faut qu'il soit nakira, kathalika, il faut qu'il soit marfou. Ça c'est par rapport à quoi? Au na'at qui est quoi? Qui est haqiqi. Kathalika, le na'at quoi? Le na'at sababi. Ja'a rajulun fadilun abuhu. Ja'a rajulun fadilun abuhu. Fakathalika, huna, rajulun, il est quoi? Il est nakira. Et il est مرفوع فكذلك le na'at al-sababi c'est-à-dire celui qui vraiment yani en vérité ne revient pas sur lui la description lakin sur ce qui vient après tamam il est كذلك il est quoi il est مرفوع et كذلك il est quoi nakira si jamais défini ja'a muhammadun plutôt ja'a ar-rajulu al-fadilu فالرجل il est quoi nakira il est نعم il est ma'rifa فكذلك ce qui vient après il faut qu'il soit ma'rifa tamam fadilu on peut pas dire ja'a ar-rajulu fadilun ça c'est le khata tamam كذلك dans le na'at quoi al-sababi جَاءَ الرَّجُلُ الْفَاضِلُ أَخُوهُ تمام فهذا كذلك هنا الرجل إلى كوا معرفة إلى مرفوع فصنع كسببي هنا إلى كوا كذلك إلى مرفوع إلى معرفة وكذلك au niveau du quoi du nasb تمام رأيت رجلا فاضلا فهنا فاضلا صنع تمام إلى منصوب كم صمنعت سكي avant تمام رجلا إلى منصوب إلى نكرة كذلك سكي vient après نعت حقيقي منصوب وكذلك نكرة رأيت رجلا فاضلا أبوه تمام رأيت رجلا فاضلا أبوه تمام donc كذلك هنا أبوه plutôt فاضلا il est منصوب il est نكرة comme celui qui est avant lui تمام et كذلك الخفض مررت برجل فاضل تمام مررت بنعم رجل فاضل أخوه تمام إلى آخره donc là on peut voir par rapport à ce qu'il a rapporté le mu'allif rahmatullah par rapport au ahkam entre le na'at al-haqiqi ou le na'at al-sababi c'est que les deux ils suivent le man'out ce qui est avant lui dans al-i'rab et dans quoi al-ta'rif ou al-tankir al-ta'rif ou al-tankir et كذلك il faut savoir que le na'at al-haqiqi il suit كذلك المنعوت في comme ils disent dans, au niveau du genre في التذكير والتأنيث ونعم الجمع

le man'out, c'est-à-dire celui qui est avant lui, le man'out, il peut que venir avant. Il suit celui qui est avant lui, que ce soit haqiqi ou bien sababi. Il le suit dans les arabes et le suit kazalika dans ta'rif wa tankir. Il le suit dans les arabes, si jamais il est défini, il sera défini, ta'rif. Si jamais il est indéfini, il sera indéfini. Là, il y a un hukm qui est quoi, qui est mushtarak, les deux. Al-na'at, sababi, il va suivre ce qui vient après lui, c'est-à-dire son marfou, si jamais il est quoi, masculin ou bien féminin. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Ja'a Muhammadun al-fadilatu ummuhu. Ce qui vient après lui, si jamais il est masculin, il sera masculin. Si jamais il est féminin, il sera féminin. Al-na'at, sababi, il est toujours singulier. C'est-à-dire que même si jamais ce qui vient après lui, il est pluriel, il est duel, il ne va pas changer. Ja'a Muhammadun al-fadilu ikhwatuhu. Ikhwatuhu, c'est jam. Amma al-na'at al-haqiqi, il suit le man'out dans tous ses états. Que ce soit au niveau de l'arabe, si jamais il est marfou', mansoub, marfoud. Si jamais il est défini, indéfini, l'indéfini, duel, pluriel, singulier, il le suit dans tous ses états. Amma le na'at al-sababi, il suit le man'out, ce qui est avant, dans deux choses, dans l'arabe, et dans le fait du ta'rif et du tankir, s'il est défini ou indéfini, et il suit ce qui vient après, si jamais il est quoi, masculin ou féminin, et il est toujours quoi, il est toujours singulier. Il est toujours singulier, il reste comme il est, même si jamais ce qui vient après, il est pluriel. Donc on fait les arabes, inshallah, on va se souvenir de cela, tamam. Il a dit, qama zaydun al-aqilu. Qama zaydun al-aqilu, qama fi'lun ma'adin mabni al-fatha, zaydun fa'il marfu' biqama wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة في آخره العاقل نعت مرفوع والتابع لمرفوع مرفوع مثله العاقل تابع مرفوع والتابع تملي مرفوع مرفوع التابع يعني العاقل c'est quoi c'est un تابع c'est celui qui suit tamam comme il a pu l'évoquer au début et le تابع si jamais plutôt le متبع si jamais il est مرفوع et bien تابع كذلك sera مرفوع قال رأيت زيدا العاقلة رأيت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال به بضمير متحرك في محل رفع فاعل زيدا مفعولا به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره العاقلة تابع لزيدا والتابع لمنصوب منصوب مثله celui le تابع qui suit une chose qui est منصوب il sera منصوب comme lui قال ومرنت بزيد العاقلي مرنت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء متحرك في محل رفع فاعل الباء حرف جر زيد اسم مجرور العاقلي تابع مجرور والتابع لمجرور مجرور مثله كذلك avec le نعت السببي قام زيد العاقل أبوه تجرى قام فعل ماضي مبني زيد سصن فاعل العاقل تجرى نعت سببي أبوه تجرى سصن مرفوع et le مضاف et le ها مضاف إليه كذلك avec le même i'rab yani par rapport à halat al-nasb comme on dit مثلا ra'aytu zaydan al-aqila abuhu wa marrantu bi zaydin al-aqini abuhu tamam ça c'est par rapport à quoi an-na't alladhi huwa min marfu'at al-asma si jamais son matbou' il est quoi il est marfou' tamam on espère inchallah que le dars il a été compris bi idhnillah azza wa jall et s'il n'y a pas de questions inchallah on se contente de cela